Chapitre 16e. Le soir du jour si redouté de la nièce, si impatiemment attendue de la tante, où le bal devait avoir lieu, arriva enfin. Et par une chance peu commune dans les affaires de ce monde, tandis que la réussite des espérances de l'une de ces dames dépassait son attente, il était prouvé que les appréhensions de l'autre étaient entièrement dénuées de fondement. Plusieurs circonstances favorables avaient concouru à aplanir les difficultés redoutées par Agnès. En premier lieu, sa robe, qu'on pouvait presque appeler funéraire, pour laquelle, si elle avait pu parler franchement, elle n'avait pas le plus léger penchant, avait pris, grâce à son imagination pleine de goût, une tournure qui l'avait surprise elle-même. Car, malgré l'idéal qu'elle avait en tête, d'une robe de crêpe noire flottante, elle n'avait guère bonne opinion de la forme que son inexpérience saurait lui donner. Soit que Mrs. Barnaby eût été poussée par la profondeur de son chagrin, soit qu'elle eût été jalouse de maintenir le diapason de sa suprême élégance, elle avait commandé, dans son deuil de veuve, une robe ornée d'une large roue de crêpe noire, de la hauteur d'un mètre, pensant par là fendre les cœurs de tous ceux qui contempleraient une telle quantité de crêpes. Cette déchirante robe coûta fort cher et fut fort peu portée à Silverton, dans le but de la faire briller à Exeter dans toute sa splendeur. Mais à Exeter, comme nous l'avons vu, la veuve s'était tellement laissée subjuguer par son antipathie pour le deuil que la robe était arrivée sous les doigts d'Agnès dans un état encore fort respectable. Notre jeune ouvrière parvint à fabriquer avec tous ses zonages circulaires une toilette vraiment tressaillante, avec les énormes gigots, car on portait les manches à gigots dans ce temps-là, qui faisaient partie de son trésor, elle s'était fait des manches transparentes, laissant apercevoir la forme de ses beaux bras. On eût dit un nuage voilant les reflets argentés de la lune. C'est ainsi du moins que Frederick Stephenson l'eût décrit. Le simple corsage, taillé à la Vierge, un peu plus montant peut-être que la mode ne l'eût voulu, serrait son buste élégant en donnant à toute sa personne une dignité délicate et sérieuse, si bien que même les partisans des robes beaucoup plus décolletées ne pouvaient se refuser à avouer que ce genre de corsage allait admirablement à la jeune fille. Aussitôt son travail terminé, Agnès, en fille prudente, voulut expérimenter son effet et, toute tremblante de l'espoir incertain d'obtenir l'approbation de sa tante, alla se faire voir. Mais là, elle eut un succès qui l'étonna profondément. « Miséricorde, mon enfant, quelle élégante toilette! D'où diable l'avez-vous tirée? De votre robe, ma tante. Si c'est possible, ah, je comprends. Il y a peu de gens assez généreux, Agnès, pour donner une pareille robe, absolument neuve et si parfaitement élégante. J'espère, ma chère, que vous n'oublierez jamais quelle est la personne qui vous l'a donnée. Je vous jure qu'avant cette toilette, je n'aurais jamais cru que vous fussiez aussi belle. » Et si vous voulez seulement étudier un peu mes manières, sourire, montrer vos belles dents, je crois vraiment qu'il ne sera pas impossible de vous trouver un mari, ce qui sera certes bien plus honorable que de vous placer comme gouvernante. De sorte que vous savez, travailler Agnès à ce que je vois, une fort bonne chose aussi dans votre état de pauvreté. Allons, tout l'ensemble ne fait pas mal, quoique je ne vois nulle raison pour avoir fait ce courtage aussi montant. Vos épaules sont assez blanches pour être bonnes à voir. Et comment pourrait-il en être autrement? Votre mère et moi étions connus à 10 lieues à la ronde pour avoir les épaules les plus blanches du comté. Seulement, je ne les ai jamais cachées ainsi, par exemple. Et quels souliers avez-vous, mon enfant? Ceci, ma tante, dit Agnès, montrant son petit pied encaissé dans un gros soulier de cuir orné d'une semelle respectable par son épaisseur. Oh, ma parole, ce serait dommage, cela gâte tout. Que diriez-vous, Agnès, si je vous achetais une paire de souliers bien minces, en prunelle? « Je vous serai infiniment obligé, tante. »« Eh bien, une fois dans ma vie, je me permettrai une folie. Remettez vite votre autre robe, mettez votre chapeau, votre mantelet, et allons-nous-en à la boutique du coin. Il fait un vent à vous donner des coups de sang dans les yeux. Mais la boutique est tout près d'ici. Seulement, Agnès, si vous faites un beau mariage, j'aime à croire que vous n'oublierez jamais ce que j'aurais fait pour vous. » Agnès avait eu trop à travailler pour avoir pu accepter une promenade un peu longue, bien qu'elle y eût souvent été priée. Mais son amie Marie ayant trouvé moyen de se faufiler jusqu'au sudit cabinet, le lundi et le mardi, tout en babillant avec Agnès sur le contenu de ses livres, conçut tout à coup la pensée qu'elle pourrait bien souvent se donner la joie du tête-à-tête dans ce petit réduit. « Aimeriez-vous cela, Agnès ? » ajouta-t-elle après lui avoir communiqué son plan. « Avec vous, Marie, que n'aimerais-je pas ? Mais moi, comment puis-je croire que vous puissiez préférer venir vous asseoir dans cette espèce d'armoire plutôt que de rester dans votre élégant salon? C'est pourtant ainsi, ma nouvelle amie. répondit Mademoiselle Peters avec un air fort sincère. Alors, si je me trouve encore malheureuse, du moins tout le temps que je resterai à Clifton, c'est que j'aurai un bien mauvais caractère. Chère fille, si cela dépendait de moi, vous ne seriez jamais malheureuse. Mais il faut que je m'en aille. À ce soir, 9 heures, rappelez-vous bien. Et attendez-moi dans la première pièce si nous ne sommes pas arrivés déjà. Agnès répéta ses instructions à sa tante, mais la nature ardente de cette dame lui fit commander la voiture pour 8 heures et demie précises, et lorsqu'elle arriva, Biegelmi pour la 4e fois le dernier flon à son écharpe de blonde, à ses plumes, à ses boucles, à son rouge, elle passa encore une revue générale d'au moins 5 minutes avant de se déclarer prête. Enfin, Jerningham reçut l'ordre de descendre l'escalier, une chandelle à la main, devant sa maîtresse. Si les premières descriptions de la tournure de la veuve n'ont pas été faites en vain, le lecteur pourra aisément se figurer ce qu'une toilette aussi savamment préparée devait ajouter à ses charmes. Il suffira de dire que si quelques-uns trouvèrent le corsage de la délicate Agnès trop montant, d'autres jugèrent celui de Mrs. Barnaby beaucoup trop décolleté, et que sa mise, dans son ensemble, lui donnait une prodigieuse ressemblance avec les figurantes qui viennent faire honneur au banquet de Macbeth. Étant arrivées une demi-heure plus tôt que ce dont on était convenu, naturellement elles ne trouvèrent pas la famille Peters, et Mrs. Barnaby, perdant patience, insista, à la grande contrariété d'Agnès, pour entrer dans la salle de bal sans plus attendre. Cette atmosphère lui convenait mieux. Les lustres brillaient, l'orchestre accordait ses instruments, et quelques personnes aussi impatientes qu'elle-même se promenaient d'un bout à l'autre de la salle, paraissant enchantées d'avoir de nouvelles arrivées à regarder. Cette parade commençait à réaliser les plus terribles appréhensions d'Agnès, car la pièce se remplissait rapidement et sa tante ne voulait pas entendre parler de s'asseoir, quand elle aperçut Mrs. Peters, son fils, ses 3 filles et 2 messieurs qui entraient. Mrs. Barnaby, qui les vit aussi, se mit immédiatement en demeure de traverser la pièce pour aller à leur rencontre. Mais cette fois, Agnès trouva dans sa timidité même la hardiesse de retenir courageusement sa tante par le bras en s'écriant avec angoisse. « Oh, ma tante, laissez-les venir à nous. Ça n'a pas de bon sens, mon enfant. Lâchez-moi donc, Agnès. C'est fort malhonnête à nous de ne pas aller les rejoindre après ce qui a été convenu. » Toutefois, la douleur de voir sa tante s'emparer violemment de Mrs. Peters fut épargnée à Agnès par la tendresse vigilante de Marie et par l'empressement d'Elisabeth à venir au-devant d'elle. À la vue d'Agnès, les yeux de Mademoiselle Peters avaient exprimé une approbation mêlée de plaisir, et le rouge qui monta aux joues de la pauvre enfant quand elle surprit l'expression de la physionomie de Mrs. Peters, qui s'avançait les yeux fixés sur Mrs. Barnaby, ne fit que contribuer à la rendre plus belle. Toutefois, que cette dame ait ou non éprouvé ce qu'elle devait ressentir à la vue de sa trop remarquable belle-sœur, elle joua très honorablement son rôle et sourit fort gracieusement en retour des exclamations de ravissement que poussait son affectionnée parente à sa vue, ne laissant percer de sa manière de sentir que l'empressement avec lequel elle se retirait dans le coin le plus éloigné de la pièce, où elle se cachait presque derrière une colonne. Mrs. Barnaby et les jeunes personnes la suivirent naturellement à la place qu'elle avait choisie, mais l'esprit actif de la veuve entra immédiatement en travail afin de découvrir un moyen qui la tirât de ce guet-apens. Ce qu'elle souffrait d'une pareille éclipse étant absolument intolérable. « Je m'en vais dire que j'aperçois quelqu'un de connaissance, » pensa-t-elle, « et en même temps, je me ferai donner une des jeunes filles pour traverser la salle. » Mais au moment où elle allait exécuter ce projet, James Peters s'avançait et s'adressait à elle avec une grande civilité. C'était quelque chose, car le jeune homme était fort beau et fort bien mis. Mais ce qui survint après fut encore bien mieux. Mrs. Barnaby se rendit compte tout de suite qu'elle était sur le point de devenir l'héroïne d'une aventure. Le major Allen, dont tout l'ensemble, y compris les moustaches, les favoris, le collier grec, le gilet brodé et tout le reste, était, dans son genre presque aussi remarquable que la veuve, entré dans la salle. Il jetait un coup d'œil tout autour de lui, fixait son regard sur la coiffure toute pailletée de Mrs. Barnaby, et sortait très ouvertement de la foule pour venir présenter ses compliments à la société Peters, ne manquant pas de faire à la veuve en particulier un salut qui exprimait l'admiration et le respect les plus profonds. Elisabeth était la dernière de la rangée que formait sa société, tandis que sa mère, ayant Mrs. Barnaby à ses côtés, était à l'autre extrémité. Le brillant major se plaça auprès d'Elisabeth, entamant immédiatement avec elle une conversation à voix basse, qui, obligeant la jeune personne à tourner le dos à tout son monde, dérobait ce qu'elle disait même à Lucie, qui venait précisément après elle. Néanmoins, la veuve se sentait l'héroïne de cette conversation animée, aussi bien que si elle avait pu n'en pas perdre un mot. Et elle ne se trompait pas, car voici ce qui se passait. « Bonsoir, mademoiselle Elisabeth. Vous venez d'arriver, je présume. Quel beau bal, n'est-ce pas ? Je vous avais dit qu'il serait beau. Quelle femme superbe que votre tante, mademoiselle Peters. Elle est votre tante, je crois. Oui, certainement. La veuve du frère de ma mère, Major Allen. Ah, j'avais bien compris qu'elle était votre tante. Elle est fort riche, à ce que j'ai entendu dire. Oui, très riche. Mais elle est descendue dans un appartement meublé, n'est-ce pas ? Elle n'a pas l'air d'avoir loué toute la maison. Oh non, elle n'a pris qu'un petit appartement. Elle ne dépense pas le tiers de son revenu, pas même approchant. Vraiment ? Alors je suppose que toute belle qu'elle est, on pourrait la ranger dans la catégorie des gens un peu serrés, hein ? Et ici le major, en riant, découvrait ses grandes dents de cheval. « Oh, pour cela, pas du tout, je vous assure, » répliqua la jeune personne, assez aimable pour désirer affranchir sa tante de ce vil soupçon. « Elle est tout l'opposé, car elle a les idées les plus nobles et les plus généreuses sur l'argent et sur l'emploi que d'en faire une veuve qui tient toute sa fortune de son mari. J'espère qu'on ne sera pas assez méchant pour dire qu'elle est avare. Ce serait abominable, si on le disait, car ses motifs sont des plus nobles. Il est certain qu'elle a en vous un bien charmant avocat. Mais alors, excusez-moi si je vous questionne encore, ce qui part de sentiments si nobles ne saurait rester caché. Quel peut être le mobile d'économie si peu nécessaire ? Elle ne considère pas cela comme peu nécessaire, Major Allen, car elle est une nièce orpheline qui est entièrement à sa charge et elle met de côté pour elle. Oh, admirable en vérité ! Alors tout son bien est en revenu. C'est vraiment dommage. Avec de pareilles dispositions, elle aurait dirigé remarquablement bien le capital. Mais non, ce n'est pas cela non plus. Mon oncle Barnaby lui a tout laissé entièrement à sa disposition. Seulement, c'est elle qui... Et ici, la loquace et quelque peu bêtasse Elisabeth s'arrête à court, car elle se dit tout d'un coup qu'il était parfaitement inutile de causer ainsi des affaires de sa tante avec une personne aussi peu intime que le major Allen. Et ne sachant trop comment finir la phrase, elle s'écria « Je me demande quand ils se décideront à commencer la danse. » Mais le major en avait appris assez. Il reprit cependant la conversation avec beaucoup de discrétion en disant « C'est cette jeune personne en deuil qui est sa nièce, je suppose. Elle est bien belle. Mais comment se fait-il qu'elle soit en si grand deuil quand sa tante en porte un aussi léger ?» Si la naïve Elisabeth avait su quelle était la nature du principe qui avait fait passer ce deuil de la veuve à la nièce, elle l'aurait très probablement dévoilé, grâce à sa bavarde franchise. Mais comme son entretien confidentiel avec sa nouvelle parente l'avait laissée ignorante de ce fait, elle répondit avec un souvenir légèrement confus de l'explication donnée par Mrs. Barnaby. « Je crois que c'est à cause du romanesque chagrin qu'elle a de la perte de son père, quoiqu'il soit mort depuis des années et des années. « Voudriez-vous, mademoiselle Peters, demander à votre frère de me présenter à Mrs. Barnaby ?»« Certainement, Major Allen, si vous le désirez. »« James ?» ajouta la jeune personne, déployant son éventail dans l'espoir d'attirer l'attention de son frère, absorbé par une conversation avec Agnès. « James, venez donc. Le major désire que vous le présentiez à Mrs. Barnaby. » Le major se leva au même moment et appuya la demande en ajoutant « Voulez-vous me faire cet honneur, Monsieur Peters ?» Le jeune homme salua légèrement et sans répondre, alla se placer devant l'heureuse veuve, suivi par l'obséquieux major. Là, il dit « Le major Allen désire vous être présenté, Miss Barnaby. Major Allen, Mrs. Barnaby. » Ce ne fut pas sans effort que la dame réussit à se composer un extérieur à peu près convenable quand elle vit s'effectuer la consommation de ses plus chères espérances. Mais elle sentit que l'événement était important et fit un appel à toute son énergie pour se tenir à la hauteur. Peut-être rougit-elle un peu, mais pour des raisons visibles, ceci ne fut pas perceptible. Elle baissa seulement les yeux sur son éventail pour les relever ensuite sur le visage du major courbé dentelle avec un regard qui en disait vraiment beaucoup. Les questions et les réponses établies par l'usage en pareille occasion marchait donc des deux côtés avec beaucoup de zèle et d'animation, quand une nouvelle source de joie vint s'offrir à la veuve dans l'approche de Frederick Stephenson, qui se dirigeait vers Agnès d'une manière aussi peu équivoque que celle qui avait amené le major auprès d'elle. Mais comme le jeune Stephenson était absolument étranger à la famille Peters, il était précédé du maître des cérémonies qui, disant tout bas à Mrs. Peters le nom du jeune homme ainsi que celui de sa famille, lui demandait la permission de le présenter à la jeune personne en deuil. Cette dame, ayant, bien entendu, accordé tout de suite la permission, la présentation s'accomplit. Elle fut suivie de la demande que le jeune homme fit à Agnès de lui faire l'honneur de danser avec lui le premier quadrille, et quand celle-ci eut répondu « Je suis engagée », il sembla à Frédéric qu'elle était mille fois plus belle encore qu'il n'eût jamais osé le croire au travers de son voile. « Alors, pour le second ?» dit avec ardeur M. Stephenson. Agnès, en rougissant, fit oui d'un signe. Et le jeune homme continuait à rester devant elle, employant les procédés du major presque comme lui-même. Ceci dura jusqu'au moment où les quadrilles commencèrent à se former. James vint alors réclamer la main d'Agnès pour la danse. Deux des demoiselles Peters les suivirent peu après, et le major dit « Puisque ces demoiselles vous abandonnent, madame, ne pourrait-on vous décider à faire partie d'une table de whist ?»« Je n'y verrai aucun inconvénient, major, » répliqua Mrs. Barnaby, « pourvu qu'il y ait place à une table raisonnable. » « Il va sans dire, madame, que si j'ai l'honneur de former une table pour vous, c'est vous qui fixerez l'enjeu. Voulez-vous me permettre d'aller voir si c'est faisable ?»« Vous êtes trop bon. Je vous serai fort obligé. » L'active disciple de Dieu Mars partit immédiatement d'un pas sinon léger, du moins aussi empressé dans sa rapidité que celui de Mercure quand il accomplissait l'une de ses commissions friponnes. Et dans un espace de temps merveilleusement court, il revint avec la nouvelle qu'une table attendait Mrs. Barnaby. Il lui présenta donc son bras, qu'elle prit avec dignité, et il la conduisit. Ah, jamais on n'avait vu un couple si bien fait par la nature pour se rencontrer, déclama Mrs. Peters à Lucie en les voyant partir. Et grandement délivrée, elle se leva, prit sa fille par le bras, et s'en alla rejoindre une société d'amis qui était dans une partie plus remplie de la salle. Pendant ce temps-là, les quadrilles marchaient, et Agnès, malgré les battements de cœur d'une timidité toujours inséparable d'une première apparition dans le monde, n'avait perdu ni son air doux et convenable, ni sa grâce aisée. James Peters était un danseur attentif et encourageant, et elle aurait pu oublier probablement que c'était la première fois qu'elle dansait autre part qu'à sa pension si elle ne s'était aperçue, à peu près vers la moitié du quadrille, qu'elle était pour l'un des spectateurs un objet d'attention tel qu'une jeune fille aussi nouvelle dans le monde qu'elle l'était elle-même ne pouvait en avoir conscience sans en être troublée. Les yeux qui la gênaient ainsi étaient ceux du colonel Hubbard. La hauteur remarquable de sa taille le mettait en évidence au sein même de la foule, devenue plus compacte que de coutume, à cause du désir qui augmentait de moment en moment de voir la ravissante fille en grand deuil, et quand il advint qu'elle sut qui il était, son imagination lui fit peut-être de trouver encore plus embarrassant d'être regardée par lui que par tout autre. Cette gêne, au reste, ne dura pas longtemps, car il disparut. Le colonel Hubbard quitta la place où il était, tout exprès pour se mettre à la recherche de son ami Stephenson. Il le trouva dans une embrasure de porte. « Frédéric, je vous cherche, » dit le colonel. « Venez, mon cher, que je vous prouve que malgré mon âge et mes infirmités, je jouis encore suffisamment de mes facultés pour découvrir aussi bien que vous ce qui est positivement et réellement adorable. Venez. » « Souffrez que je vous conduise, et je vous ferai voir ce que j'appelle une fille ravissante. » Stephenson se résigna tranquillement au rôle de captif, et au bout d'une demi-douzaine de pas, il se trouva placé juste en face d'Agnès Willoughby. « Regardez cette jeune fille, » dit tout bas le colonel Hubbard, « et dites-moi ce que vous en pensez. L'ange en noir ?»« Oui, Frédéric. » »« Voilà qui est fameux par le ciel. Eh bien, Hubbard, c'est mon ange noir. » Vous n'avez pas l'intention de me faire croire que la jeune fille que nous avons vue avec cette horrible femme si commune soit la même que cette miniature d'élégance? Si, vraiment, sur mon âme, monsieur. Et maintenant, que dites-vous de l'avantage de pouvoir distinguer des traits sous un voile épais? Je ne puis le croire, Stephenson, reprit le colonel, fixant de nouveau un regard plus ardent sur Agnès. Alors périssez dans votre incrédulité, et grand bien vous fasse. Eh bien, je lui étais présenté, mon bon. Elle s'appelle Willoughby, et je danse le prochain quadrille avec elle. « Si c'est comme cela, peccavi, » dit le colonel en s'en allant brusquement. « Oui, c'est ainsi, » répliqua son ami en le suivant, renonçant même au plaisir de regarder Agnès pour savourer son triomphe sur Hubbard. « N'est-ce pas là une jolie histoire? Et ne pensez-vous pas, colonel, qu'il ne serait pas mal d'ajourner le système de votre tante, au moins pour quelques années encore ?» quand vous rencontrerez deux femmes ensemble, regardez-les toutes les deux, de façon que si par hasard, l'une d'elles se trouvait être la créature la plus ravissante de l'univers, vous ne livriez pas votre âme tout entière à l'aimable occupation de vous moquer de l'autre. Vous trouvez cela une très bonne plaisanterie, Frédéric. Moi, je ne suis pas de votre avis, je vous le jure. En effet, il est bien triste pour un homme de 35 ans de perdre la vue. Non, Stephenson. Mais il est bien triste de savoir une créature de Dieu comme cette belle fille entre les mains d'une femme d'une apparence aussi commune, pour ne rien dire de plus. Prenez garde, mon vénérable philosophe, de ne pas faire, au sujet de la vieille dame, une aussi énorme bévue que celle que vous avez faite pour la jeune. Quand j'étais chercher le maître des cérémonies afin qu'il me rendît le précieux service de m'introduire, je me suis enquis en quelle société se trouvait la jeune personne et la tante au Falbala, et j'appris qu'elle faisait partie d'une des familles les plus respectables de Clifton. J'en suis fort heureux, Frédéric. Et cependant, je trouve encore que cette tante est, pour la beauté de cet enfant, une tâche aussi déplaisante que n'importe quelle verrue, ou quelle excroissance sur une belle joue. Quant à moi, elle suffira à mettre mon cœur en sûreté. Je souhaite que votre cœur jouisse de sa sécurité, répondit Stephenson. Maintenant, allez-vous-en, laissez-moi à mon bonheur, car voyez, le quadrille est fini. Je vais la suivre à sa place et me représenter moi-même. Voyons, soyez honnête, vous ne m'enviez pas. Je ne danse jamais, vous le savez bien. Tant pis pour vous, mon cher. Et le joyeux jeune homme se détourna pour suivre le chemin où il avait vu conduire Agnès. C'était vers le coin où celle-ci avait laissé sa tante et Mrs. Peters, mais elle ne retrouva ni l'une ni l'autre. « N'ayez pas peur, » dit son aimable danseur. « Nous aurons trouvé ma mère dans un instant. » Et quand ils eurent réussi à la trouver, elle accueillit Agnès avec un sourire qui contrastait vivement avec l'aspect hautain qu'elle prenait toujours quand il s'agissait de Mrs. Barnaby. Le jeune Stephenson vit cet accueil. Il vit aussi l'empressement avec lequel la jolie et élégante Mary Peter se rapprochait d'Agnès. De plus en plus persuadé qu'il avait raison et que son ami avait tort, il se décida tout d'un coup à prendre une mesure qui devait, selon lui, lui assurer des relations plus sérieuses que la simple connaissance d'un danseur au bal. Et avant d'aller réclamer la main d'Agnès pour la contredanse, il alla chercher encore une fois le maître des cérémonies afin qu'il voulût bien le présenter à Mrs. Peters. Cet obligeant fonctionnaire ne fit pas la moindre objection. Il savait bien qu'il n'y avait pas dans toute la salle une dame, jeune ou vieille, qui ne l'eût remercié de lui avoir présenté le frère d'Edward Stephenson, beau garçon par lui-même, cornette dans le régiment des Bleus, et héritier du noble domaine de sa mère dans le Worcestershire, ce qui le rendait beaucoup plus riche que son frère aîné. Tout le monde savait cela, car la belle Miss Hubbard et son fiancé, Sir Edward, avaient été les lions de Clifton pendant une semaine ou deux. Et quoiqu'ils se fussent fort peu mêlés à la société, il n'y avait pas une personne ayant quelque prétention qui ne fût très flattée de faire la connaissance de Frédéric Stephenson. Le jeune homme employa donc, on ne peut mieux, les 10 minutes qui précédèrent le second quadrille, et Mrs. Peters souriait en le voyant emmener Agnès, en se disant qu'elle était bien récompensée d'avoir supporté sa belle-sœur, puisque c'était grâce à la nièce de celle-ci qu'on lui avait présenté le plus désiré des danseurs. Pendant ce temps-là, le major Allen conduisait Mrs. Barnaby à une table de jeu. La conduite s'opérait lentement à cause de la foule, dont la pression un peu trop vive menaçait parfois d'incommoder notre héroïne. Et tout en gagnant du terrain, il causait. « Quel enjeu, Mrs. Barnaby, se permet-elle ? » disait le major, se penchant en avant pour regarder la veuve dans les yeux. « Très modeste, je vous assure, major, » répliquait la veuve avec un mouvement de tête qui envoyait ses plumes balayer la magnificence velue du visage de son cavalier. « À une couronne l'affiche, peut-être ? » reprenait le major, agréablement rafraîchi par la délicate façon d'éventail qui venait de lui arriver. « Oh, fille major, comment pouvez-vous me croire capable de telles extravagances ? Mais les hommes ne font pas attention à ces choses-là. Mon Dieu, ma chère madame, je ne saurais dire si les hommes, je veux dire, les hommes d'une certaine élégance et d'une certaine fortune, trouvent très élevé de jouer une couronne l'affiche. Pour ma part, je déteste le jeu, tout en aimant le whist, et je ne m'inquiète jamais si je joue cher ou non. Toutefois, jamais je ne dépasse 5 livres l'affiche, ou 20 par rebord. Vous voyez que de cette façon, il ne peut arriver rien de bien alarmant, surtout quand on joue passablement, comme moi. Et par le fait, j'évite autant que possible un aussi gros jeu. « Mais, major, » dit la dame, s'arrêtant tout à coup, « je crains vraiment de devoir décliner le plaisir de jouer à votre table. ce n'est pas pour ce que nous pourrions perdre, vous ou moi, mais c'est une affaire de principe, et quand le cas se présente, je ne transige jamais. Ainsi, je vous en prie, ramenez-moi auprès de ma sœur Peters. » Ceci fut dit en se serrant au bras du major avec une faiblesse et une timidité vraiment touchantes. « Grand Dieu ! » s'écria avec beaucoup d'animation le major, « que vous me connaissez mal, charmante Mrs. Barnaby. Je vous emmènerai au bout du monde si vous consentiez à m'y suivre, mais n'allez pas croire que j'aie préféré m'asseoir seul à une table où l'enjeu permettrait de gagner des millions quand je puis me mettre avec vous à une autre. N'y jouerait-on que des fétus de paille ?» Lecteur, souvenez-vous que celle à laquelle s'adressait ce compliment passionné était, il n'y avait pas plus de 6 ans, Miss Martha Compton de Silverton, et jugez avec quel sentiment elle dut écouter ce langage. Ils furent si vifs, ces sentiments, qu'il fut impossible d'articuler un mot. Seulement elle renonça à son projet de retraite, et quand enfin le major et elle se trouvèrent devant la table où les attendaient deux joueurs consommés, elle s'assit tout doucement en murmurant à l'oreille du major « Pas plus d'une demi-couronne, n'est-ce pas ?» Il lui pressa la main, et quittant le bras dont elle l'avait favorisé, lui répondit « Comptez sur moi. » Alors, prenant à part les deux gentlemen, le major, en ami, leur fit la commission de la demi-couronne, et les ramena parfaitement satisfaits et très anxieux en galant chevalier d'obtenir du moins, par la carte la plus élevée, le bonheur d'avoir la dame pour partenaire, s'il ne pouvait avoir d'autre bonheur. Mais ce fut le major qui eut cette chance, ainsi que plusieurs autres, pendant les 3 ou 4 premiers abords, car sa belle partenaire et lui jouaient d'une manière très heureuse. Vers le milieu de cette agréable partie, pendant le cours de laquelle les yeux et la voix de la veuve témoignaient du plaisir qu'elle y prenait, le colonel Herbert, errant par les salons, après avoir jeté en passant un coup d'œil sur une ou deux tables, était venu s'asseoir sur un sofa, d'où il voyait en plein celle où Mrs. Barnaby était placée. L'examen qu'il venait de faire de la nièce rendait celui de la tante fort intéressant, mais il détruisit presque pour lui le bonheur avec lequel, sans cette circonstance, il eût étudié l'air et les manières de cette dame. Et quand on saura que Mrs. Barnaby ne s'était pas même aperçue de l'entrée du beau colonel, on comprendra aisément à quel degré d'excitation étaient arrivés cet air et ses manières. À mesure que la soirée s'avançait, la vivacité et l'enjouement de notre veuve allaient toujours croissant. Sans aucun scrupule, ses yeux secondaient ses mots, pleins de piquants et de sous-entendus. De ce côté, le major semblait de plus en plus ravi, et tellement pris d'amour qu'il ne pouvait plus s'en cacher. Mais en contemplant cette scène, ce n'était pas la raillerie qui faisait froncer le sourcil du colonel. Sa physionomie fine respirait le dégoût d'abord, avec un certain degré de mélancolie qui ne semblait guère approprié à la circonstance, et au bout de quelques minutes, il rentrait dans la salle de bal. Fût-ce avec intention, il est permis de se le demander. Il se retrouva vis-à-vis de la place occupée par Agnès Ocadri, et il se mit à la regarder avec une attention qui semblait contenir autant de curiosité que d'admiration. « Il est étrange, pensait-il, que la femme la plus repoussante et la créature la plus attirante que je me souvienne d'avoir jamais rencontrée soient rivées l'une à l'autre par un lien si étroit. » Quelques minutes plus tard, le Ocadri finissait, et M. Stephenson, qui venait de danser avec l'aînée des demoiselles Peters, disait en passant à son ami « Nous allons prendre le thé, et si vous voulez venir avec nous, je vous présenterai. » Le colonel Herbert le suivit presque machinalement, toutefois non sans se reprocher de consentir à se joindre à la société d'une Mrs. Barnaby. Mais cette personne qu'il trouvait si choquante fut pourtant presque et même entièrement oubliée quelques minutes après sa présentation. Les manières de Mrs. Peters étaient, nous le savons, particulièrement agréable et distinguée. Ses filles étaient toutes jolies, l'une d'elles, entre autres, singulièrement aimable et animée. Son fils, ainsi que les autres messieurs de la société, avaient l'air on ne peut plus comme il faut. Et Agnès? Que pensait d'Agnès le colonel Herbert, avec son esprit élevé et sa haute naissance? Il lui aurait été tellement impossible de se répondre à lui-même d'une manière satisfaisante qu'il ne serait pas juste d'attendre de l'historien une réponse précise. Cet intervalle, consacré à la causerie et au repos, dura plus longtemps que d'habitude, car la société tout entière s'y plaisait, soit pour une raison, soit pour une autre, et en tout cas, personne ne manifestait en aucune façon le désir de le voir cesser. Si on avait dit au colonel que lui aussi, il y prenait plaisir, il s'en serait très ardemment et très sincèrement défendu. Il regardait Agnès avec autant d'étonnement que de pitié. il écoutait sa conversation gaie et sans prétention avec Mary Peters et le jeune Stephenson, sans pouvoir nier que, soit qu'elle fût tombée des étoiles ou qu'elle eût été élevée par cette tante si vulgaire, cette terrible incarnation de tout ce qu'il détestait le plus au monde, toutes les paroles qui tombaient des lèvres de cette jeune fille portaient l'empreinte de la meilleure éducation, des sentiments les plus droits et de l'esprit le plus brillant. Il avouait tout cela. Il avoue aussi que jamais, à travers tous les changements de sa vie de soldat, il n'avait vu dans aucun rang, ni sous aucun climat, une perfection aussi ravissante. Et cependant, il tremblait presque quand il surprenait l'adoration passionnée avec laquelle son ami la regardait et l'écoutait. Le colonel Hubbard connaissait bien le tempérament de Stephenson. Il le savait généreux, ardent, affectueux au plus haut degré, mais en même temps passionné, volontaire et n'acceptant aucun contrôle, à moins qu'il ne se présentât sous la forme d'une influence amicale mélangée d'une certaine autorité. Il venait d'avoir 23 ans, et depuis le jour de ses 21 ans, il était entré en possession de sa grande fortune, sans que ses parents eussent redouté pour lui les écueils qui se trouvent d'ordinaire sous les pas d'un jeune homme riche. Non, ce n'était ni les courses, ni le jeu, ni la débauche que l'on redoutait pour lui, mais plutôt un fâcheux mariage. Sa famille, si bien placée dans le monde, douée d'alliances si brillantes, était terrifiée par la pensée qu'un de ces jours, un pareil malheur pourrait bien tomber sur elle. Aussi désirait-elle vivement lui voir faire promptement un choix qui fût tel qu'elle avait le droit de s'y attendre. Malheureusement, on avait trop laissé percer ce désir, et l'idée que son frère et ses sœurs voulaient le marier épouvantait le jeune homme en le remplissant d'indignation. Le mariage de son frère aîné avec Miss Hubbard avait naturellement amené une grande intimité entre les deux familles, et de toutes les connaissances qu'il avait jamais faites, le colonel Hubbard était celle pour laquelle Frédéric Stephenson s'était senti la plus chaude admiration et l'estime la plus sincère. Ce sentiment n'avait pas échappé à Sir Edward Stephenson, et il avait dit à sa fiancée Emma qu'il en tirait le meilleur augure pour le salut de son frère. « Il est si fier de l'amitié de Montaigu, avait-il dit, qu'il faudrait qu'il fût terriblement féru d'amour pour s'aventurer à former un lien qui ne serait pas digne de son ami. Et il se montre si jaloux d'agir seul en pareille circonstance que je me suis même abstenu de lui laisser voir l'importance que j'y attache. Je ne veux pas non plus en dire un mot à votre frère. Mais vous, cher aimé, faites-moi le plaisir de lui en parler avant notre départ. Dites-lui que Frédéric est encore fort enclin à se prendre d'amour à première vue, et que si jamais il s'apercevait de l'approche d'un nouvel accès, nous lui serions éternellement reconnaissants d'emmener notre enfant dans un autre climat. » La belle Emma promit et tint sa parole. Le lendemain soir, tandis que Sir Edward était en affaire avec l'homme de loi qui venait d'arriver de Londres, avec tous les papiers nécessités par la cérémonie, le frère et la sœur s'en étaient allés arpenter le pavé de Sion Row, promenade qui avait exposé à l'admiration de Mrs. Barnaby la superbe stature du colonel Hubbard. Combien Agnès était loin de se douter, lorsque sa tante l'avait forcée de se mettre à la fenêtre pour jouir de cette vue, que le pot de mots qu'elle avait saisi à la volée était d'une si grande importance pour son avenir. Que Stephenson fût tombé amoureux au premier coup d'œil, c'était une chose positive. Le colonel, après avoir vu ses regards pleins d'enthousiasme tandis qu'il causait avec Agnès, ne pouvait en douter. C'était donc sérieusement, avec chagrin même, qu'il méditait sur ce que sa sœur lui avait dit dans leur dernier tête-à-tête. « Tâchez de le sauver d'une folie de ce genre, Montaigu, » avait-elle dit, « car je crois réellement que Sir Edward ne saurait plus être jamais heureux du jour où Frédéric aurait fait un mariage honteux. » Et pour un mariage honteux, ceci ne manquerait pas d'en être un, pensait-il. Ni sa splendide beauté, ni sa modeste élégance ne pourraient faire qu'il en fût autrement. Comme si le sort voulait le confirmer dans cette opinion, juste à ce moment, la veuve, appuyée sur le bras du major, s'approchait de la société. Après avoir terminé son 5e rubber et avoir empoché ses 16 demi-couronnes, les deux amis du major ayant allégué un autre engagement, Mrs. Barnaby avait accepté de son partenaire l'offre de la conduire à la table du thé. Avoir l'air heureux est une chose qui sied généralement à tout le monde. Le bonheur prête quelquefois des charmes aux traits qui, dans le chagrin, n'auraient pu se vanter d'en posséder aucun. Mais il y a des gens sur lesquels cette émotion expansive produit un effet tout différent. Mrs. Barnaby était de ceux-là. Ses yeux ne se contentaient pas de briller, ils lançaient des flammes de triomphe. Elle apportait dans les secousses qu'elle imprimait aux boucles de ses cheveux et à ses plumes la vivacité d'une bacchante qui jongle avec ses cymbales. ses façons affectées de rire tantôt aux éclats, tantôt de chuchoter à l'oreille, attiraient également l'attention et produisaient sur l'assemblée un effet qui prenait les proportions d'une véritable torture pour la malheureuse Agnès. Elle eût mille fois préféré passer sa vie entière dans le silence et la solitude plutôt que d'assister à une pareille comédie. L'habile major découvrit la société Peters dès l'instant qu'il entra dans la salle et conduisit sa dame directement vers elle. Mais la table était complètement occupée, et au premier moment personne ne bougea, excepté Agnès, qui, pâle et vraiment tremblante de désespoir, se tenait debout sans dire un mot. Mrs. Peters, devenue très rouge, resta pendant une seconde indécise sur ce qu'elle devait faire. Mais quand elle vit le major Allan s'adresser à Elizabeth avec la liberté d'allure d'une vieille connaissance, elle se leva en disant légèrement « Je suis fâchée que vous soyez arrivée trop tard pour prendre le thé, Mrs. Barnaby », et partit, suivie bien entendu de ses filles et des deux messieurs qui faisaient partie de leur société. « J'espère bien en trouver encore une tasse. Ne vous inquiétez pas de nous. Agnès, ne vous en allez pas. Tâchez donc de m'atteindre cette théière là-bas au bout de la table. Celle-ci est aussi sèche que du foin. » Sans perdre un instant, le major se saisit de la théière, mais en même temps il saisit la main d'Agnès. Et en un clin d'œil, le cou, les joues, le front de la pauvre enfant devinrent cramoisis, et comme elle retirait sa main de cette audacieuse étreinte, ses yeux rencontrèrent ceux du colonel Hubbard fixés sur elle. La honte, l'humiliation, quelque chose de plus terrible encore, qui ressemblait presque à de la terreur, remplirent ses beaux yeux de larmes, et pour un instant, le vaillant soldat, oubliant tout le reste, n'eut plus qu'un désir, prendre collet et mettre à la porte l'homme qui venait d'offenser Agnès. Mais Frederick Stephenson avait vu lui aussi ce qui s'était passé. Quittant, contrairement aux lois de l'étiquette, la personne avec qui il causait et auprès de laquelle il était assis, il vint rapidement se placer à côté d'Agnès, lançant au major un regard qui ramena aussitôt l'attention de ce dernier sur la théière et sur Mrs. Barnaby. « Vous dansez ce quadrille avec moi, Mrs. Willoughby ?» dit le jeune Stephenson. Il avait déjà joui de cet honneur de foi, et sans le désir ardent qu'il ressentait d'enlever Agnès à la table de thé depuis l'arrivée de la veuve et du major, il n'eût pas osé tenter cette troisième invitation. Agnès comprit parfaitement son motif, et quoique ses joues fussent encore brûlantes à la pensée de l'impossibilité où elle était de fuir pour tout de bon le supplice qui obsédait sa vie, elle fut touchée, elle fut remplie de reconnaissance envers la bonté du jeune homme, et le sourire avec lequel elle accepta son invitation eût suffi pour subjuguer le cœur de Frédéric, s'il en était resté une parcelle qui ne le fut déjà.